Comme chez les philosophes, les littéraires et les scientifiques, chez les juristes, le latin et ses nombreux dérivés sont omniprésents, notamment à partir de lex legis, la loi, lex legis, et de jus juris, le droit, jus juris. C'est ce que démontre le Finlandais Heikki Mattila dans un ouvrage publié en 1947 où il souligne l'importance du latin dans les textes législatifs ou juridiques des principales langues européennes. Voici de l'os extrait de cet ouvrage. Le grand dénominateur commun des cultures de droit occidentales est, d'une part, le droit romain, et d'autre part, sa langue, le latin. Presque partout en Europe, la science du droit a été le latin jusqu'au XIXe siècle. Dans les relations internationales, le latin a conservé son statut en tant que langue unique des négociations et des traités internationaux jusqu'au XVIIe siècle, lorsque le français a commencé à l'évancer. Cela ne s'est pas fait sans résistance, le latin ayant garanti la neutralité et l'égalité des relations entre États. Cette dernière remarque rejoint l'argumentation de Jean-Pierre Vincent, citée à l'introduction, pour ne pas susciter de jalousie. Le Code Napoléon, poursuit le juriste finlandais, a été traduit en latin, en plus des langues modernes, pour faciliter son application adéquate dans les pays autres que la France où il a été mis en vigueur. Le latin a laissé des traces durables dans les langages juridiques d'aujourd'hui. Le rythme du vieux latin est toujours visible dans le style des juristes de l'ancienne génération. Et apprendre à utiliser des locutions et adages latins fait partie du processus de socialisation des futurs juristes. Mais, rôle plus sérieux, on l'utilise pour convaincre le locuteur ou le lecteur quant au contenu du droit, ou encore pour préciser le sens d'une notion juridique. Le latin juridique, poursuit Heikki Mattila, est utilisé dans tous les pays occidentaux, au moins dans les ouvrages doctrinaux. En Russie, après l'abandon du socialisme, le statut de droit romain s'est clairement renforcé. On veut de nouveau rattacher le droit russe à la tradition pan-européenne. Simultanément, on peut constater un accroissement des mots savants provenant du droit romain dans les textes législatifs russes. Il est naturel de penser, conclut Heikki Mattila, que le latin juridique facilite remarquablement la coopération internationale des juristes qui se veut de plus en plus intensive. Et, en référence au jus commune, droit commun, jus commune de l'Europe, les maximes juridiques latines garantissent l'unité des ordres juridiques européens et l'intelligibilité internationale de la doctrine juridique, sorte d'espéranto, notamment dans les relations entre l'Allemagne et les pays de l'Europe centrale orientale ou des Balkans. Grâce aux maximes latines telles testis unus, testis nullus, le témoignage d'un seul témoin est nul, le langage du droit est universel. Fin de citation du juriste finlandais. Si donc le latin est un facteur de compréhension entre les juristes, et nous l'avions vu, entre les scientifiques, devenu à nouveau langue courante de communication, ne peut-il être aussi un excellent moyen de compréhension, et donc de paix, entre tous les Européens? D'autant plus qu'il est bien vivant sous d'autres formes que celles que nous venons de voir.